Ah ouais, on se lève, on la gloire de Jésus-Christ, de Nazareth, le roi des rois, l'agneau immolé. Comme nous gans, Anibaki, que Dieu te bénisse. Ah oui. Oh, sans toi Yahweh, qui serais-je? Oh, sans toi Papa, qui serais-je? Sans toi Yahweh, qui serais-je? Oh, sans toi Yahweh, qui serais-je? Oh papa, sans toi Yahweh, qui serais-je? Sans toi Yahweh, qui serais-je? Dans ce monde de cruel, Seigneur, qui serais-je? Sans toi Yahweh, qui serais-je? Oh papa, dude.